Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107 pour l'émission La Parole est à vous. Avec aujourd'hui un dossier consommateur. On est au début du mois, il y a déjà un petit moment que la presse consumériste est passée dans les kiosques, donc c'est intéressant quand même de faire un petit peu le tour de l'actualité consumériste avec Que choisir, l'Union fédérale des consommateurs. Alors, on va parler déjà du changement d'heure, parce que ça intéresse tout le monde, bien sûr. À l'heure où nous bouclons, dit Que choisir, ce numéro, la consultation sur le changement d'heure est close. L'Assemblée nationale proposait aux Français de se prononcer sur le principe de l'abandon de cette mesure. Quasiment acquis, 84% des Français et aussi des Européens y étaient favorables. Et sur l'heure adoptée, toute l'année, hélas, outre les questions mal rédigées, chacun pouvait voter en ligne autant de fois qu'il le souhaitait, même à l'étranger. Or, il existe des partisans acharnés de l'heure d'été ou d'hiver, capables de bourrer les urnes. À l'Assemblée, on se dit ouvert aux suggestions d'ordre méthodologique en vue des prochaines consultations. Pas besoin pourtant d'être professionnel des sondages pour penser au géoblocage et empêcher les votes multiples. Un amateurisme qui laisse sans voix. Qu'en penses-tu, Lia, finalement ? L'heure d'été, heure d'hiver ? Moi, je préfère l'heure d'été, parce que je trouve que voilà, il fait jour plus tard, et du coup, on a moins l'impression... Ils n'aiment pas rouler la nuit, quoi, c'est voilà, ça ? Voilà, c'est ça. Je suis une fille du soleil, moi, j'ai besoin de lumière. Après, oui, je trouve étonnant le fait qu'on puisse voter de façon multiple, qu'on puisse... Ah, tu ne savais pas qu'on pouvait voter ? Non, je savais qu'on pouvait voter, mais pas plusieurs fois. Je pensais qu'on pouvait voter qu'une seule fois. Là, malheureusement, comme le programme informatique... le programme a été fait, finalement, la même personne peut voter plusieurs fois sans qu'elle soit identifiée. D'accord. Bon. Voilà, c'est juste des impulsions enregistrées. D'accord. OK. Et moi, je trouve que c'est regrettable, parce que moi, je suis plutôt pour l'heure d'hiver, parce que pour une bonne raison, sais-tu que dans l'ouest de la France, il y a 2 heures d'avance sur l'heure solaire. Oui. 2 heures d'avance. Ouais. Plus d'une heure et demie ici, hein. Une heure et demie d'avance sur l'heure solaire. C'est pas physiologique, si on veut. D'accord. C'est ça le problème. Mais ah, je comprends. C'est ça le problème. On se réveille tard, on se couche tard, etc. Et puis on a tendance à dormir beaucoup moins. Et puis surtout, les enfants sont davantage perturbés. Le plus important, ce serait d'arrêter de changer d'heure, quoi. Parce que du coup, nous, ça c'est quand même un décalage à chaque fois. Il faut arrêter avec le décalage. De toute façon, c'est très perturbant. Voilà, c'est ça. Hein, mais je vois, par exemple, des agriculteurs, ou bien mon beau-frère qui est vigneron, il reste à l'heure d'hiver, purement et simplement. Purement et simplement. Lui, il vit au rythme des saisons, et puis... Et puis, bien sûr, de l'été, quoi. D'accord. De l'heure d'été, de l'heure d'hiver, plutôt, puisque c'est l'heure physiologique, en quelque D'accord. sorte. D'accord. Hein. Comment il fait quand il a un rendez-vous France, hein, tu vois plus pas, quand il fait un jour encore jusqu'à 11h du soir. Oui, oui. C'est quand même beaucoup trop. Et quand voilà, mais enfin... Et quand il a un rendez-vous, comment il fait, du coup, il décale quand même. Il doit avoir un réveil numérique comme moi, parce que tu sais que hier matin, par exemple... hier matin, oui. Encore. Dimanche matin, oui. J'avais oublié complètement, heureusement que j'avais un réveil numérique. Oui, oui. Hein, se met à l'heure. Qui se met tout de suite à l'heure d'été. Autrement, j'avais oublié que c'était pas ça. Oui, c'est je dormais que... bien le matin. J'avais un rendez-vous. Bon, voilà. Okay. Bon, on va parler maintenant du scandale UBS. Alors, de quoi s'agit-il ? Mi-février, le tribunal correctionnel de Paris a provoqué une onde de choc en condamnant la banque suisse UBS à 4,5 milliards d'euros d'amende pour démarchage bancaire illicite et blanchiment de fraude fiscale. C'est pas mal, hein? Aïe! Une première en France. Contrairement aux États-Unis où, en pareil cas, les amendes atteignent des sommets, plusieurs banques françaises l'ont appris à leurs dépens. Je crois qu'il y a eu que la Société Générale. Hein. D'accord. La sévérité des juges américains est aussi réelle pour les délits contre les particuliers, avec de très lourds dommages-intérêts. Rien à voir en France, où les condamnations pécuniaires sont en général très faibles. La sanction provoquée contre UBS fera-t-elle jurisprudence ? Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet national financier qui avait dénoncé une fraude très grave Par ailleurs, 5 ex-dirigeants ou cadres d'UBS ont écopé d'une peine de prison avec sursis. Dans cette affaire, la banque encourageait des particuliers aux revenus importants à échapper au fisc, pratiquant l'évasion fiscale vers la Suisse. C'est pas nouveau, hein. Pourquoi pas, mais maintenant, on le sait un peu mieux. Donc, l'évasion fiscale vers la Suisse, le parquet national financier a notamment pointé que la fraude trouvait, je cite, sa source dans une organisation structurée verticalement, systématique et ancienne. Une structure semblable à d'autres affaires bancaires, aboutissant à léser les particuliers. On pense notamment au scandale des fonds en France-Suisse, Helvit Immo de BNP Paribas, ou à celui des marges cachées des fonds à formule Natixis, j'arrive à le prononcer les premiers coups, il faut croire, dénoncé notamment par Que Choisir. UBS a fait appel, refusant de reconnaître l'infraction. Mais pourquoi la banque avait-elle alors failli signer une transaction avec la justice en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? Initiative tombée à l'eau, UBS ayant estimé excessive la pénalité de 1,2 milliard d'euros exigée par le parquet. Bon, elle a pris un peu plus du double, quoi. Eh oui. presque le quadruple. Voilà, donc... ce qu'il fallait dire par rapport au UBS, ça va quand même dans le bon sens, hein, parce que l'évasion fiscale, la triche, ça c'est absolument universel, hein. On connaît les Panama Papers, on connaît les différentes évasions fiscales qu'il y a pu avoir, et là on estime à peu près à 60 milliards d'euros ce qui échappe au fisc français, par exemple. Aïe. Ah oui, tu parles de 80 milliards, 60, 80 milliards, voire davantage. Hein, parce que finalement, par le jeu des transactions internationales, de banques comme UBS ou même BNP Paribas, qui l'a pratiqué à un moment, on arrive effectivement à mettre de l'argent de côté ailleurs qu'en France. Ah bah oui, ça c'est. Voilà, pour ne pas payer d'impôts, bien entendu. Alors, il y a un problème de voyage à forfait. Le séjour que vous aviez réservé auprès d'un tour opérateur se passe mal, car l'hôtel n'est pas de la catégorie promise, les activités ont été annulées ou les dates des vols ont été modifiées. Depuis 1992, les vendeurs de voyages à forfait sont responsables de la bonne exécution des différentes prestations prévues. Oui, mais voilà. Mais les voyagistes profitent des discussions autour du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la fameuse loi Pacte, hein, qui comporte pas mal de problèmes nocifs, pour tenter de revenir sur cette spécificité française. Lors de la transposition d'une directive européenne de 2015 relative à ce secteur, cette particularité hexagonale a été conservée, malgré l'opposition des voyagistes. Ils reviennent à la charge. Début février, dans le cadre des débats sur la loi Pacte, le Sénat a adopté un amendement visant à supprimer cette responsabilité de plein droit. Une mesure votée, je cite, « suite à une argumentation pertinente d'Elisabeth Doineau, sénatrice de la Mayenne, et de Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise, qui ont félicité les entreprises de voyage, l'un des syndicats du secteur, dans un communiqué. La mobilisation des adhérents des EDV de CETO, syndicat des entreprises du tout operating, et de l'APST, association professionnelle de solidarité du tourisme, et la qualité de nos arguments ont convaincu les sénateurs, ajoute le syndicat, qui appelle désormais à envoyer le courrier type rédigé par le syndicat aux députés pour les convaincre de suivre l'avis des sénateurs. Si l'Assemblée nationale devait emboîter le pas au Sénat, il deviendrait plus difficile pour le consommateur d'engager un recours en cas de problème. La multiplication du contentieux serait assurée. Ça s'appelle comment ? Une opération de lobbying, quoi, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et puis on sait quand même que le Sénat et l'Assemblée nationale sont à droite, alors on peut craindre le pire. Alors que normalement, on s'engage. Hein. C'est en quelque sorte, ces voyages à forfait, c'est en quelque sorte un contrat qui permet quand même à celui qui en bénéficie, quoi, celui qui veut voyager, de trouver les prestations qu'on lui a promises. C'est ça. Et ils essayent par tous les moyens, ces voyagistes, d'avoir des dérogations. Alors, on va parler des cosmétiques. Ah hein, on a déjà parlé. C'est vrai. Lors d'une émission, si tu te souviens. Je m'en souviens bien. Il y a des sérums à vendre. Produit cosmétique à appliquer avant la crème hydratante, le sérum est peu utilisé par les Françaises, adeptes de la simplicité. Puis peut-être une question de temps, non ? Peut-être. Dans un récent article du quotidien Le Figaro sur la question, une responsable de Sisley tente de les convaincre, elles sont dans l'erreur. Et je cite, « L'industrie n'a pas inventé le sérum pour compliquer, par vice ou par plaisir, les rituels quotidiens, assure-t-elle. » Voilà, fin de citation. Certainement pas. Pour vendre davantage de produits, peut-être. Nous l'observons chez nos clientes, on peut reconnaître à l'œil, nu une femme qui en a utilisé, elle paraît clairement plus jeune que son âge. Alors voilà, c'est fin de citation. Chère madame, nous vous invitons à venir faire un test en aveugle sur les salariés de Que Choisir. Chiche. Pourquoi prends pas du sérum, toi pour... Ah non, je prends pas de sérum. Non, bon, hein, faut quand même pas exagérer. Le Smecta. Oula. À utiliser avec précaution. Tel était notre conseil dans un test passé concernant, c'est Que Choisir hein, qui parle, concernant les médicaments à base d'argile type Smecta. L'argile est en effet souvent contaminée par du plomb, et même si celui-ci est a priori excrété, le doute subsiste, ce qui doit inciter à s'abstenir pour les enfants de moins de 2 ans, chez qui le passage de plomb dans le sang ne peut être exclu. C'est ce que vient de conclure l'Agence nationale de sécurité des médicaments, la NSM. Elle demande de ne plus utiliser le Smecta et son générique, le Diosmectite Milan, chez les tout-petits. Hein, Milan, tu connais la publicité. Elle donne le même conseil aux femmes enceintes ou allaitantes. En toute logique, elle devait aussi éviter les autres médicaments à base d'argile. La gastropulgite, hein, ça c'est pour l'estomac, l'atapulgite, le Bedelix, etc., réservé aux adultes et pour qui la question de l'usage chez les bébés ne se pose pas. L'agence n'a pas eu connaissance de cas pathologiques, mais évoque le principe de précaution. Elle rappelle que le traitement de la diarrhée aiguë repose avant tout sur des mesures hygiéno-diététiques et que si les symptômes persistent chez le bébé, il faut avoir recours aux solutés de réhydratation orale disponibles sans ordonnance. Voilà, qu'en penses-tu ? L'argile, tu l'utilises ? Je l'utilise, mais pas pour l'avaler, moi, sur mon corps plutôt. À la place du sérum. Par exemple, pour un masque, n'est-ce c'est pas ça. L'argile a quand même une bonne réputation, mais là apparemment, il faut éviter ça chez les femmes enceintes et puis chez les moins chez les de bébés, deux quoi, ans. Parce que ça peut passer dans le sang, puis il y a certains argiles qui sont contaminées par le plomb. Bah, voilà. Parce que du plomb, il y en a partout, hein, sous la forme de minéral ou bien simplement parce qu'ils sont rentrés dans les nappes phréatiques ou que sais-je. Je ne suis pas trop pour les médicaments. Je pense qu'on peut trouver des solutions alternatives au lieu d'avaler... Ah bah c'est très... L'argile est efficace, hein, même en cas de gastrite ou autre. Hein, c'est très efficace comme produit hein, pour les inflammations, pour les contusions, pour des tas de choses. Hein. Mmh. Voilà. Voilà. A utilisé récemment pour un coude. Ah d'accord. Alors... T'es pas à Free par hasard, non ? Personne n'est à Free. Ah non, je suis pas chez Free, moi. Alors, Free Mobile, une action de groupe est lancée. Free n'en a pas fini avec son service de location de téléphone. Après avoir bloqué des milliers d'appareils qu'il considérait comme volés, oula, l'opérateur est désormais mis en cause pour avoir facturé des frais abusifs à des clients qui avaient mis fin à la location de leur smartphone. Ça, il s'agit bien de location. Hein. Certains d'entre eux ont été prélevés de 150 à 250 euros car ils n'auraient pas renvoyé l'appareil. Ce dernier avait pourtant bien été retourné à l'adresse indiquée et les clients possédaient la preuve que Free l'avait reçu, souvent grâce à un accusé de réception. Dans d'autres cas, Free avait reconnu avoir reçu le téléphone mais avait estimé qu'il était défectueux et leur avait facturé d'office jusqu'à 250 euros. Ouh là là! C'est cher payé. Ah oui, c'est beaucoup, là. Hein. Les abonnés lésés ont eu beau contester. Free Mobile ne les a pas remboursés au prétexte que cette possibilité figurait dans les conditions générales du service. La mise en demeure adressée par l'UFC Que Choisir à l'automne dernier n'a rien changé. facturer des frais en cas de non-restitution ou de dégradation d'un article loué n'est pas illégal. Encore faut-il que le propriétaire du téléphone, Free Mobile, soit capable de prouver le préjudice qu'il subit et la responsabilité du locataire. Or, le plus souvent, cela n'a pas été le cas. En conséquence, UFC Que Choisir a décidé de lancer une action de groupe, hein, c'est possible depuis quelques années, devant les tribunaux. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de Que Choisir, quechoisir.org, pour remplir le formulaire ad hoc. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale quand même. Pas de souci. Ça serait pas plus mal. Nous pourrions reprendre un peu notre souffle aussi. Pas de souci. Alors, tu as choisi Pierre Perret avec Vert de colère. On écoute ça tout de suite. Voilà. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres types. Qui bousille la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulés. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de villages en enterrent dans leurs communes pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates. On shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxyde. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortel CO2 s'envole dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie. Voilà, Pierre Perret, que j'ai toujours plaisir à entendre, hein, parce que c'est une chanson, je crois, des années 70 ou début des années 80. Et donc, elle est toujours d'actualité. Hein. Et puis, la conclusion, le profit, la vie plutôt que le profit, je crois qu'il faut la retenir, parce que c'est plus que jamais d'actualité. Et puis, plus jamais d'actualité que des grands groupes, des multinationales, bousillent notre environnement. On connaît le système, n'est-ce pas, depuis les années là. Mais enfin, la prise de conscience est nettement améliorée. Je pense que, en particulier, les jeunes générations auront à cœur de préserver notre environnement et puis notre planète, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes planètes. Hein. Non, c'est sûr. Il faut aller les chercher loin. Que Choisir parle de ces actions nationales pour ce dossier du mois d'avril et des données personnelles. Google a été condamné. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pourtant c'est intéressant. Après Twitter, l'UFC Que Choisir a obtenu la condamnation de Google par un jugement susceptible d'appel, hein, il n'est pas définitif, du tribunal de grande instance de Paris, lequel a relevé 209 clauses abusives dans les conditions générales et règles de confidentialité. Loin de se cantonner au seul réseau social Google, appelé à disparaître, ce jugement rendu le 12 février dernier a épinglé la politique de Google en matière de données personnelles. Il rappelle que les prestations proposées par le géant américain sont des services marchands payés par la collecte systématique et l'exploitation de données personnelles des utilisateurs. Le tribunal souligne à plusieurs reprises qu'il est abusif de présenter la collecte des données personnelles comme une simple et seule condition d'amélioration des services proposés, alors que la finalité réelle et première de cette collecte est celle de l'organisation d'envois de publicité ciblés auprès de ce même consommateur en exploitant commercialement ces données. Voilà, fin de citation. Le jugement note en outre que si Google reconnaît au consommateur le libre exercice du droit de blocage sur l'emploi de cookies, cette possibilité est assortie d'une mise en garde à des fins manifestement dissuasives d'exercice de ce droit. Voilà, autre citation. Forte de ce jugement, l'association entend désormais veiller à ce qu'une réparation concrète soit offerte à chaque consommateur au-delà des 30 000 euros qui lui ont été alloués par le tribunal. Voilà, alors c'est une action de groupe, hein, comme une action collective, mais c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que ces gens-là, ben, ils vendent nos données personnelles. Hein, Google, en particulier, c'est le cas. Hein. Et puis, ils sont presque, j'allais dire, presque en situation de monopole, hein, faut le dire aussi. Ça, donc, il est encore beaucoup plus facile de faire du fric par rapport aux annonceurs, par rapport à leurs propres clients. Voilà, alors les soldes. Ah ben les soldes, ce n'est plus d'actualité, hein, mais il faut en tirer les conclusions. Bientôt, un réencadrement. Importante victoire d'étape, c'est les actions nationales que choisir. Durant la discussion de la nouvelle donne pour les consommateurs, le Parlement européen a adopté l'amendement souhaité par l'UFC Que Choisir pour encadrer les promotions et soldes. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne avait conduit, faute de texte européen précis, a abrogé la législation française en vigueur. Elle prévoyait l'indication d'un prix de référence à partir duquel la réduction est annoncée, de même que la possible justification de sa réalité dans les 30 jours précédant l'annonce. Cette abrogation, supprimant tout cadre et repère, a abouti à une jungle tarifaire avec une kyrielle de fausses promotions, dans laquelle se perdent les consommateurs, comme l'a dénoncé plusieurs fois l'UFC Que Choisir. L'instauration d'un cadre européen reprenant l'ancienne loi française est donc une avancée appréciable, qui reste néanmoins confirmée par le Conseil des ministres de l'Union. Voilà, que dire par rapport à ça? De toute façon, quand on voit toutes les couleurs, hein, on voit une grande surface, une grande surface assez proche, qui par un temps avait acheté des produits pour faire des soldes, hein, pour faire des alors c'était des promos, c'était pas des soldes, mais enfin parce que ils louaient des articles qui sont déjà en magasin et qui sont effectivement soldés, et on devrait connaître, c'est vrai, le prix, l'ancien prix puis le nouveau prix, etc., hein, parce qu'autrement comment savoir si c'est une solde? Et puis, bien sûr, on voit aussi certains magasins, même dans le même rayon des soldes, hein, et des produits qui ne le sont pas, qui ne sont pas soldés. Ça, c'est vrai. Avec la confusion des deux. Hein. On le voit. Hein, moi, je sais que j'ai protesté dans un magasin proche d'ici en disant, mais enfin, vous mélangez tout. Enfin, c'était pas moi le client le jour-là. on m'a répondu, vous n'avez qu'à regarder. Oui. C'était à peine séparé, c'était vraiment dans le même rayon, dans le même truc. Donc il y avait un produit pratiquement similaire qui, lui, n'était pas soldé. Ils font exprès pour qu'on achète plus cher, non? Voilà, exactement. Donc il faut se méfier des soldes. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Hein. Les unions de consommateurs nous ont toujours mis en garde et puis essayé quand même de se renseigner par rapport au prix qui était pratiqué avant, la solde exactement. Tu as des produits des fois en promotion qui sont bien plus avantageux que des soldes. Oui, c'est vrai. Voilà, alors Linky, alors le roman Linky. L'UFC Que Choisir saisit le Conseil d'État. L'UFC que choisir est déterminé à ce que l'afficheur déporté pour les ménages précaires, dispositif prévu par la loi de transition énergétique pour leur permettre de mieux maîtriser leur consommation, soit effectivement mis en place gratuitement dans les foyers. C'est la raison pour laquelle elle a saisi le Conseil d'État, déjà reculé d'un an, la date butoir du 1er janvier 2019 a expiré sans que le gouvernement ne prenne les arrêtés indispensables à la mise en œuvre de cette obligation légale. Pour l'heure, le ministre de la Transition écologique et solidaire ne donne aucun calendrier, une action préjudiciable au pouvoir d'achat des ménages précaires. L'UFC que choisir a aussi demandé au ministre de l'informer de l'avancée des travaux lancés en juin 2018 par son prédécesseur, suite à notre pétition, Linky, refusant de payer pour Enedis. Plus de 315 000 signataires. Elle demandait que la rémunération d'Enedis soit revue, ainsi qu'une amélioration de l'information des consommateurs. J'ai fait des émissions par rapport au compteur Linky, avec des personnes d'ailleurs, avec une association qui refuse Linky, parce que c'était un marché qui était passé du temps de Sarkozy. On retrouve Sarkozy, avec notre cher président de la République aujourd'hui. C'était un marché international pour poser des compteurs. Des compteurs EDF, pour faire court, et puis bien sûr pouvoir surveiller la consommation des consommateurs. Et puis surtout faire des économies, puisque là, les agents d'Enedis, ex-EDF, succursale d'EDF, n'ont plus à se déplacer à domicile pour vérifier. Pour relever les compteurs. La consommation des ménages. Puis aussi, on a constaté sur... Parce que, bien sûr, ceux qui installent ces fameux compteurs ne sont pas forcément des professionnels. Ils sont recrutés comme ça, sur vacation. Puis, quelquefois, il y a eu d'énormes problèmes dans les ménages par rapport aux compteurs Linky qui étaient posés apparemment des personnes qui n'avaient quand même pas une qualification pour le faire. Voilà, et puis bien sûr le coût de ce marché des compteurs Linky, c'est très très important, le coût, et puis bien sûr ça va être répercuté forcément sur les consommateurs. Alors on va avoir un coût. Et puis en troisième lieu, certains se sont émus du problème des ondes électromagnétiques qui étaient générées par ces fameux compteurs Linky. Voilà, donc il y avait quand même un front assez important qui se traduit par 315 000 signatures, c'est même pas suffisant, mais est-ce que tout le monde a vu la pétition pour Linky? Non, voilà. Alors le fameux grand débat, puisqu'on est un peu dans les pétitions, là. 100 000 consommateurs ont participé. Émise le 4 février, la contribution des consommateurs au grand débat lancé par l'UFC Que Choisir a suscité un soutien massif des Français qui ont été plus de 100 000 à signer et à donner les trois mesures prioritaires à leurs yeux. Alors, on est uniquement dans le domaine de la consommation, c'est-à-dire c'est des pétitions, c'est des manifestations qui remontent directement, sans passer par les assemblées. Pour rappel, l'UFC Que Choisir a élaboré un plan de 12 mesures concrètes à même de libérer 9 milliards d'euros de pouvoir d'achat, sans surcoût pour les finances publiques. Les décisions les plus attendues concernant l'environnement, la santé, l'alimentation et la banque. Le top 5 se compose de l'application du principe pollueur-payeur à l'eau potable, 1 milliard d'euros libérés, la répercussion des baisses des coûts agricoles sur le prix en rayon, 340 millions d'euros, la lutte contre les dépassements d'honoraires médicaux, 650 millions d'euros, l'abrogation de la réforme du seuil de revente à perte, 800 millions d'euros, et la suppression des commissions d'intervention, 2,8 milliards d'euros. C'est ce que c'est que les commissions d'intervention. Oui, oui, oui. C'est des agios, quoi. Oui, oui. C'est ce que tu payes si jamais tu as découvert. C'est ça. Cette participation remarquable confirme l'urgence pour le gouvernement de présenter une grande loi sur la consommation, à la différence des précédents. Le Parlement n'a bientôt, 2 ans après son installation, examiné aucun texte à même d'améliorer le quotidien des consommateurs, alors que la situation actuelle résulte d'abord d'une crise du pouvoir d'achat. L'UFC Que Choisir a remis au ministre de l'Économie le fruit de cette consultation en lui rappelant qu'un texte reprenant les mesures plébiscitées, constituerait un complément indispensable à la loi d'urgence économique et sociale adoptée en fin d'année. Voilà, un petit commentaire, hein, si tu le permets, c'est simplement de dire que le grand débat, j'en ai parlé lors d'une chronique, c'est, de toute façon, c'est les Français moyens, privilégiés, plutôt, qui ont assisté au grand débat. Alors, on voit quand on voit la composition sociologique des personnes qui sont exprimées dans le grand débat, on peut quand même craindre le pire. Oui. Hein, c'est-à-dire que, finalement, le statu quo par rapport à la situation actuelle, hein, surtout au point de vue fiscal, hein, ce qui est vraiment... parce qu'on vit quand même dans une société de l'injustice sociale et de l'injustice fiscale. Voilà. Fait quand même que je donne un petit peu mon point de vue. Bah bien sûr. On va s'accorder une deuxième pause musicale. Allez, deux c'est enfants parti. Au soleil. Il y a du soleil en ce moment. Eh ben voilà. Jamais. Ben voilà, on écoutait Isabelle Aubray, hein, Deux enfants au soleil. Hein. J'adorais cette chanson quand j'étais plus jeune, bien sûr. Puis encore aujourd'hui, hein, parce que ça nostalgie, en quelque ben sorte, oui. Les années 60, début des années 70. Ça rappelle des bons souvenirs. Voilà. On va continuer avec la DPE. Alors, de quoi s'agit-il? Eh ben, on va s'expliquer. Régulièrement épinglés pour leur manque de fiabilité par l'UFC Que Choisir, les diagnostics de performance énergétique, DPE, diagnostics de performance énergétique. Voilà ce que signifie DPE. Font actuellement l'objet d'une révision en vue d'une plus grande fiabilisation. Ils deviendront enfin opposables au plus tard en 2021. Ça ne vaut pas de mal la veille. Voilà, parce que tout simplement, on s'est aperçu que, par exemple, sur les performances énergétiques de l'isolation, à 1 euro, là, on gagnait à peine 5% de thermique. Hein. Ah oui. C'est pas énorme. Hein. En effet. Alors, la mobilité bancaire, ça c'est un réel problème. Frein au changement de banque. la clause imposant aux clients titulaires d'un crédit immobilier de domicilier leurs revenus au sein de l'établissement prêteur, dénoncée par l'UFC Que Choisir comme une entrave à la concurrence, a été sévèrement critiquée par la présidente du comité consultatif du secteur financier. Dans un rapport officiel remis au ministre de l'économie, elle demande l'abrogation de cette clause. Voilà, oui, ça peut favoriser la mobilité bancaire quand même, parce que quand on s'est un peu arnaqué par une banque, on a peut-être envie d'en changer, hein, encore que les règles sont à peu près les mêmes partout. Alors, les perturbateurs endocriniens, on en a beaucoup parlé à ce micro, hein, puis en particulier lors d'un dossier récent, d'un dossier santé récent, santé-environnement, exactement, qu'on l'avait intitulé, avec en particulier le docteur Didier Henry. Ces perturbateurs endocriniens, bah, c'est un réel problème, hein. Il y avait d'ailleurs une conférence sur des coquelicots à Gérardmer la semaine dernière. Et donc, c'était quand même intéressant de voir où on en était, hein. Mais là, c'était beaucoup plus axé sur les pesticides. Pesticides qui contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. Mais il n'y a pas que ça. On a vu aussi les cosmétiques. On a vu des tas de produits, aussi bien dans l'alimentation que dans les cosmétiques, qui contenaient des perturbateurs endocriniens. Et les pesticides n'y échappent pas, hein, comme par exemple le Roundup, le fameux glyphosate. Oui. Alors, en entendant les appels de l'UFC Que Choisir, le gouvernement a présenté un plan généralisant tous les domaines de la consommation, une définition des perturbateurs endocriniens. Elle doit inclure ceux qui sont présumés et ceux qui sont suspectés. L'Agence de sécurité sanitaire française, l'ANSES, est chargée de publier d'ici à 2021 une liste officielle. De même, doit être créé un site d'information grand public sur les perturbateurs endocriniens et plus largement sur les produits chimiques pour une grande transparence et une meilleure information des populations. Bref, c'est une avancée si on veut, mais en attendant, par exemple, l'interdiction de pesticides comme le Roundup, hein, comme les glyphosates, comme d'autres, hein, quand on sait aussi que l'atrazine qui est interdite en Europe depuis le début des années 2000 est toujours fabriquée en France. Oui. Hein, ça paraît quand même est autorisé. La fabrication est autorisée, c'est-à-dire qu'on ne veut plus s'empoisonner nous-mêmes, mais on empoisonne d'autres pays, quoi. En gros, c'est ça. Et puis, bon, recenser, c'est bien, avoir un site, c'est bien, mais on pouvait trouver aussi dans Que Choisir, par exemple, par rapport aux perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, donc toutes les informations utiles. Donc, une petite avancée, mais à quand vraiment l'interdiction de ces fameux perturbateurs endocriniens? Alors, les complémentaires santé. La résiliation à tout moment des complémentaires santé réclamés par l'UFC Que Choisir a fait l'objet d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale, déposée par le groupe La République En Marche. Une entrée en vigueur de cette mesure est envisagée en 2020. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, Que Choisir réclame que, justement, on puisse changer de complémentaire santé comme on veut. Ben, pour moi, ce serait peut-être certainement une bonne chose, hein, parce que certains trouvent que leur complémentaire santé est trop cher. Et donc, à partir de ce moment-là, aller vers une autre mutuelle ou une autre compagnie d'assurance, une autre complémentaire santé, de manière à pouvoir avoir des tarifs moindres. Le problème, c'est que, véritablement, on est dans un secteur de la santé qui est concurrentiel, et c'est au détriment, bien souvent, de la qualité des prestations. Hein, c'est-à-dire ceux qui cassent les prix le font, par exemple, dans des contrats groupes, hein, où le consommateur, le salarié en particulier, est client captif. Hein, et donc, comme l'entreprise, la société réclame les tarifs les plus bas possibles pour ses salariés, eh bien, les groupes comme ça, les mutuelles, se rattrapent sur les individus, bien entendu. C'est-à-dire que la loi Macron, c'était une loi Macron à l'époque, a provoqué quand même un grand trouble, hein, la mutuelle pour tous, a provoqué un grand trouble et puis une concurrence acharnée entre les différents prestataires complémentaires santé. On n'est pas prêt de s'en sortir parce que les complémentaires santé sont de plus en plus victimes du fait que la sécurité sociale se désengage. ou bien que le gouvernement veut faire reposer sur les complémentaires santé des prestations telles que le reste zéro pour les dents, l'optique, l'audition, par exemple. Ben oui, mais ça, ça a un coût. Ça a un coût. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les complémentaires santé sont de plus en plus sollicités pour les dépassements d'honoraires, pour les restes zéro, etc. Et bien sûr, le coût augmente. Hein, et on voit même des complémentaires santé qui veulent prendre certains contrats groupes parce que ça leur coûtait plus cher que ce que ça leur rapportait. Et là, il y a une concurrence sévère qui s'établit et il n'y a pas de, véritablement de comparaison possible entre les différentes mutuelles, les différentes complémentaires santé. Moi-même, je fais partie d'un comité de section d'une mutuelle, je ne vais pas dire laquelle. Et on s'aperçoit quand même que, de toute façon, l'augmentation qui était prévue par l'Assemblée générale nationale a été refusée, mais de toute façon, il faudra y courir un jour ou l'autre. Hein. Et ça devient de plus en plus cher. Et puis la Sécu se désengage de plus en plus. Et puis les médecins en profitent pour faire des dépassements d'honoraires. Alors ça craint quand même. Ça craint pour l'accès aux soins, surtout pour les personnes individuellement, dans le sens où les contrats groupes ramassent la plupart des clients, les salariés. Et puis, à côté de ça, ceux qui sont mutualisés individuellement, ils payent le prix fort, forcément. Hein, parce qu'il y a des coûts, qui sont répercutés. Hein, et les circulaires, les directives par rapport aux mutuelles au niveau de l'Europe ont fait que, directives vie et non-vie, assurance vie et non-vie, ont fait que les mutuelles sont traitées exactement comme les compagnies d'assurance, sans favoritisme, avec la TVA payée et tout ça. Donc ça craint quand même pour l'avenir, pour l'accès aux soins, etc., etc., quoi, hein, surtout pour les personnes isolées qui n'ont pas de contrat groupe. Voilà ce qu'il fallait dire, hein, parce que que choisir en tant qu'union de consommateurs a raison de dire il faut pas hésiter à changer de complémentaire santé, aller vers le moins cher, mais il faut voir aussi le problème des mutuelles qui aujourd'hui risquent le déficit parce que justement on leur impose de plus en plus de charges. Sans parler des 7% de taxation pour alimenter la sécurité sociale. Ce qui est paradoxal quand même, parce qu'une mutuelle, a un complément de la sécurité sociale, et on lui demande et on la taxe pour alimenter le budget de la sécurité sociale. Hein, c'est quand même, c'était fait sous Sarkozy et c'était maintenu depuis, puisque de toute façon, le gouvernement cherche toujours à imposer des taxes pour combler des trous quelque part, dont le fameux trou de la Sécu. Alors, dans l'avenir, la sécurité sociale sera peut-être en équilibre, mais alors à quel prix ? À quel prix pour le consommateur ? À quel prix pour les mutuelles ? À quel prix pour les hôpitaux ? Parce qu'on sait très bien aussi qu'aujourd'hui, le plan santé qui se prépare actuellement, ça va être une catastrophe sanitaire. Et puis, on en reparlera, hein, au niveau de l'hôpital d'Ormiremont en particulier, avec la suppression de lits, etc. Hein, ce qui ne sera pas fait par la volonté de l'ARS et du directeur risque d'être fait demain dans la loi santé. Voilà, on va continuer. Hein, le logement social. Ah oui, le logement social, il faut en parler. J'essaierai de le faire lors d'une de mes chroniques, parce qu'on s'aperçoit aussi que là encore, le gouvernement restreint le budget des HLM, hein, des organismes de logements sociaux, et on peut craindre le pire dans l'avenir, hein, surtout dans la région parisienne où les loyers sont extrêmement élevés. Parce que moins d'aide de l'État à la construction de logements sociaux en particulier, hein, il parlait de supprimer des aides, hein, toujours pareil, on rabote, et puis finalement c'est le consommateur, le bailleur et puis le consommateur derrière qui est victime de ça. Désormais, 21 bénévoles de 9 associations locales siègent au conseil d'administration de 16 bailleurs sociaux partout en France. Tous ont été élus fin 2018 pour 4 ans. Ils représentent les locataires dont ils font partie auprès de chaque organisme aux côtés d'autres associations. L'UFC Que Choisir de l'Artois, qui fait figure de pionnière en menant une telle action depuis 12 ans, a obtenu 1 à 2 sièges au CA de 4 structures. Un succès qui n'est plus isolé, car reproduit par les associations locales des Alpes-Maritimes, de l'Aude, de Salon-de-Provence, des Bouches-du-Rhône, de Côte d'Or, de Loire-et-Cher, de la Manche, d'Aurillac, Cantal et de Bordeaux. Les représentants des locataires dialoguent en permanence avec les habitants des HLM et grâce à cette élection participent au CA pour notamment défendre leurs droits auprès des bailleurs. Les locataires peuvent toujours se tourner vers l'AL en cas de litige avec l'organisme. Alors que dire ? Ben oui, que finalement, on s'aperçoit que, par exemple, les offices d'HLM ou d'autres structures sont des structures démocratiques, qui devraient être démocratiques, du moins, avec, bien sûr, des administrateurs qui siègent, qui viennent de chez les locataires. Que dire par rapport à ça ? Ces personnes qui siègent sont mal informées, sont mal formées, on pourrait dire. Et puis bien sûr, des mesures qui sont prises par des offices d'HLM, on le voit au niveau des Vosges, n'auraient pas dû être prises telles quelles si véritablement les représentants des locataires s'y étaient opposés. Mais ça, c'est une autre histoire, comme redit Kipling. Voilà. Alors, des actions locales de l'UFC Que Choisir sont particulièrement remarquables. Il s'agit de lutter contre l'isolement numérique. C'est dans les Pyrénées-Orientales. L'UFC Que Choisir a signé une convention avec la commune de Saint-Jean-Plat-de-Corte. Je ne sais pas où c'est, c'est dans les Pyrénées. C'est la Pyrénées-Orientale. C'est un beau pays, entre parenthèses. La mairie servira d'intermédiaire entre elles et les consommateurs privés d'accès à Internet. Ben oui, on est en zone de montagne, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, c'est difficile. Je vois chez moi, j'ai un mal fou d'intégrer Internet à certains moments de la journée, aux heures de pointe. C'est 0,8 de débit. Alors, j'avais réclamé Orange, pour la petite histoire. Je l'ai déjà cité, l'anecdote, plusieurs fois. Enfin, c'est une anecdote qui laisse quand même un goût amer. Et puis j'avais été à Orange, Orange qui a déménagé d'Ormiremont, alors qu'il y avait des tas de consommateurs qui étaient de clients d'Orange, qui faisaient la queue déjà à Ormiremont. Maintenant, ils peuvent faire la queue au Carrefour à Épinal. Oui. Et puis le gars qui m'a... j'étais pas venu pour moi-même, j'avais amené des jeunes qui voulaient poser des questions par rapport à un abonnement, par rapport à un téléphone de remplacement, parce qu'ils avaient perdu leur téléphone. Et puis je lui ai souligné que je n'avais pas la télé par Internet, il ne faut pas l'avoir chez moi, j'étais un bout de ligne, que ça patinait au point de vue, j'ai aussi un vieil ordinateur, ça patinait au point de vue réception Internet. Pour aller sur Internet, des fois, ça a un quart d'heure, j'en ai marre, et puis je... c'est ce que je dis. J'ai passé trop de ma vie devant un écran, et maintenant, j'ai plus du tout envie d'attendre de m'en vouloir d'un ordinateur pour avoir l'information. Et il m'a répondu que Orange était maintenant une entreprise privée, qui n'assurait plus un service public, et que je devais choisir, j'avais choisi de vivre au grand air. Je lui ai dit que j'étais quand même pas isolé, j'étais dans un lotissement communal, quelque part sur Vagney, qu'il fallait choisir entre vivre au grand air et puis recevoir la télévision par Internet. D'accord. En gros, c'était ça. Voilà ce qu'on m'a répondu. D'accord. Et que si je voulais vraiment la télévision par Internet, il y avait des moyens techniques que je ne pouvais pas payer une antenne 4000 euros. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Voilà la réflexion d'un ex-service public qui ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. Puis bon, j'aurais peut-être pas trouvé la même chose chez les concurrents d'Orange, mais n'empêche quand même qu'il y a une sacrée mentalité, quoi. On vend du produit, et puis on s'occupe pas trop du service après-vente, on s'occupe pas trop de la manière dont le consommateur est servi. On dit, c'est les collectivités qui ont cause d'émerder pour vous amener la fibre, pour améliorer le réseau. Mais ça, c'est le gros problème. Vous êtes un réseau cuivre, on peut pas faire mieux pour vous, voilà. D'accord. Terminé. Alors que, paraît-il, il doit assurer au moins 2 de débit. Et puis il doit quand même assurer un minimum vis-à-vis des consommateurs. Mais bon, voilà. Voilà pour la petite histoire. Avant de terminer, on va peut-être voir. Oui, alors, comment que ça se passe, Parce que dans ces Pyrénées-Orientales, à Saint-Pierre, plat de Corte. C'est un village de 2500 habitants quand même. Oui. 7 février, les deux structures, la mairie et puis l'UFC, ont signé une convention de partenariat. Le principe de l'accord en cas de litige, les habitants de la commune et des alentours, dépourvus de connexion Internet ou n'étant pas en mesure de se déplacer jusqu'à l'association locale, de Que Choisir, située à Perpignan, à distance de 26 km, peuvent se rendre, oui, 26 km de Perpignan, et c'est la montagne, hein, peuvent se rendre à la mairie, un employé municipal, scanne les documents liés au litige avec les coordonnées de la personne, puis envoie le tout par courrier à l'agence locale qui contacte le consommateur. Si une prise en charge est possible, elle demande le paiement de l'adhésion et signale les éventuelles pièces manquantes à fournir. C'est de l'accueil délégué à distance. Cette convention concerne tout type de litige pour lesquels nous intervenons. Tout le monde peut accéder à ce service qui cible en priorité les personnes isolées numériquement, socialement. Voilà, il existe quand même des officines du service public maintenant. Hein. Il y en a une à Solf-sur-Somozot, et c'est très bien d'ailleurs, hein. C'est très bien comme fonctionnement, bien sûr. Bien sûr, c'est Solf-sur-Somozot, c'est pas forcément la porte à côté. Je ne sais pas s'il y en a une sur Remiremont. On n'a pas suffisamment d'informations, de publicité par rapport à ces services publics. Hein, ces officines de services publics qui sont très précieuses, surtout pour les personnes âgées. Il y a des gars comme moi qui en ont ras-le-bol de me battre avec mon ordinateur. Voilà, donc ce qu'il fallait dire, ben, il existe quand même des initiatives quelque part. Et puis dans les Vosges, ben, il y a des services publics intégrés qui regroupent un petit peu tout l'accès aux services publics, comme à Solf-sur-Somozot, pour citer que cet office. Aux actions de Que Choisir en France, qui sont des actions quand même un peu pilotes, hein, en sachant bien que l'Union fédérale des consommateurs, ce n'est pas uniquement d'information des consommateurs, c'est aussi des actions locales, et ça mérite quelquefois d'être signalé comme cette lutte contre l'isolement numérique. Alors, il y a tout un dossier dont je ne pourrais pas vous passer que des extraits, hein, sur la SNCF. Hein, ben, comme on le sait, la qualité patine. Selon notre enquête dit Que Choisir, la satisfaction à l'égard de l'entreprise nationale reste médiocre, alors qu'elle est aujourd'hui la croisée de nombreux chemins. Voilà, alors, toujours le problème de ponctualité et autres. Puis aussi, on peut souligner quand même la suppression de lignes. Hein. Le gouvernement a décidé de privatiser en quelque sorte la SNCF, hein, et d'en faire une autre structure, mais on voit déjà les effets. Alors que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, eh ben, on devrait au contraire développer les transports en commun. Et là, la SNCF, service public, ben, jusqu'à présent, ça ne va peut-être pas durer longtemps, on devrait être en pointe en question. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de le faire. Or, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on supprime encore et toujours des lignes SNCF. Enfin, je me souviens de la longue lutte qu'on a menée pour éviter la suppression de la ligne ferroviaire Mosdot-Moselle, Haute-Moselle. On échouait. Puis aujourd'hui, ben, ça reprend à nouveau. Je sais que les amis de Gérardmer luttent pour le retour du train Gérardmer. Ben, malheureusement, on supprime la ligne Saint-Dié qui était rattachée à celle de Gérardmer. Donc c'est vraiment déplorable aujourd'hui que d'un côté on dise ben, on lutte contre le réchauffement climatique et puis qu'on supprime de plus en plus le transport en commun dans nos vallées. Et puis qu'on taxe le fuel, le carburant, alors que les gens ont besoin d'un véhicule personnel pour se déplacer. Comment tu te déplaces toi, Fabienne? Je me déplace principalement en voiture. Même si, voilà, je préférerais prendre le train, les transports en commun. Enfin, le train à Saint-Étienne, c'est difficile. Hein, c'est ça. Il y a Thierry-Armiremont, il y a encore 2 km c'est à faire ça. À pied. Mais je... À ce propos, je sais que lors des dernières élections municipales, hein, il y avait aussi les élections de la Comcom, la communauté de communes, on avait souligné auprès des élus. C'était remonté par nos auditeurs le problème de liaison interurbaine entre Remiremont, Saint-Étienne, Saint-Nabor en particulier, parce que je sais qu'il y avait par exemple, pour des exemples de personnes qui étaient handicapées à Saint-Étienne et Remiremont, et puis qui travaillaient à Remiremont. Et ça, c'était pour un véritable problème pour elles. C'était des femmes qui exerçaient dans le domaine du secrétariat, et c'était vraiment un problème important pour elles de pouvoir faire les 2 kilomètres, les séparer du lieu de leur travail depuis Saint-Étienne et Remiremont, de recourir à des bénévoles ou des trucs comme ça. Il n'y a rien aujourd'hui intervillage, alors que l'agglomération Remiremont, Saint-Étienne, Saint-Nabor, ça représente quand même aujourd'hui quelque chose comme 16 000 habitants. Ah oui. On met un peu aussi Dommartin dedans. On arriverait vite à 20 000 habitants sur le secteur. Le secteur. Ça serait vraiment intéressant, ces liaisons. Alors, bien sûr, les élus municipaux ont dit, enfin, les candidats aux élections municipales ont dit, il faut examiner ça au niveau de la Comcom, de la communauté de communes. Et ça pourrait être un des rôles majeurs. C'est même le rôle dévolu à la Comcom, mais là, il n'y a pas grand-chose qui avance pour le moment. Bon. Voilà, et malheureusement, les consommateurs, le stationnement à Remiremont est devenu un véritable cauchemar pour ceux qui vont travailler à Remiremont, parce qu'ils sont obligés de prendre leur véhicule, et puis, les places de stationnement sont payantes partout, presque, à Remiremont, sauf au Champ de Mars. Mais quand le Champ de Mars est occupé, par exemple, par les... au niveau d'une fête, par exemple, il n'y a plus moyen de se stationner Remiremont sans payer, c'est plus possible. Oui. Et puis, à moins que de faire des bouts de chemin à pied, aller sur un parking de grands magasins, etc. Puis ça ne favorise pas du tout les commerçants de Remiremont, parce que les gens, ils ne vont plus à Remiremont, ils sont taxés. Ils sont taxés au parc-mètre ou bien par la police municipale. Oui. Ça devient un véritable cauchemar pour se stationner à Remiremont. Voilà, mais quand on dit ça aux élus, ils disent « il y a tant de places de stationnement gratuit ». Oui, mais quand elles sont occupées, c'est pas de stationnement gratuit, il n'y a plus rien. Voilà, c'était mon petit coup de dire les choses, parce que je vais souvent à Remiremont. J'ai été plusieurs fois victime de PV, même pour un dépassement au bout du quart d'heure de... Entre parenthèses, on va dire au revoir à nos auditeurs et puis leur donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. La parole est à vous. Alors, ce sera certainement un magazine santé cette fois. Ah, d'accord. Eh bien, à mardi prochain, Michel.